Sa montre, qu'il avait pris soin d'enlever, était accrochée à la poignée de la fenêtre au-dessus de l'évier. Il pencha la tête de côté pour voir l'heure. 6h moins le quart, et il ne se sentait toujours pas fatigué. D'un coup d'œil, il s'assura qu'il n'y avait plus rien à laver. Ensuite, il saisit un torchon pour essuyer les derniers plats. Une soirée abominable. Réussie, en fait, mais qui lui laissait une impression de gâchis, d'amertume, de regret. Henri avait été adorable avec lui, comme si Samuel était toujours son gendre. Mais il avait également fait tout un numéro destiné à épater Laurent, qu'il voyait peut-être comme son prochain gendre, le géniteur possible de ses futurs petits-enfants. Laurent est mon ami, Marianne a été ma maîtresse, et je suis en train de les détester tous les deux. Bravo. Était-ce pour se punir qu'il avait préféré s'attaquer à cette montagne de vaisselle plutôt qu'essayer de dormir? À moins que l'idée de s'allonger près de Marianne ne l'ait fait fuir, tout simplement. Pascal leur avait octroyé une chambre d'amis agréable, sommairement meublée, sans doute persuadé qu'ils étaient toujours amants. Sam était resté au chevet de Marianne, après l'avoir déshabillée et obligée à avaler un bol de café, jusqu'à ce qu'elle sombre dans un profond sommeil. Une fois certain qu'elle ne se réveillerait pas de si tôt, il était redescendu, mais tout le monde était parti se coucher, hormis Pascal et Laurent. Seul dans le jardin d'hiver, assis devant le sapin allumé, ils parlaient à mi-voix, et Samuel n'avait pas voulu les interrompre. Il s'était réfugié dans la bibliothèque, où il avait feuilleté distraitement bon nombre d'ouvrages consacrés à la médecine. Certains d'entre eux, annotés de la main de Pascal, dataient de l'époque où elle préparait son internat. Obnubilé par une foule de souvenirs dont chacun l'accablait davantage, il n'avait pas vu le temps passer. Lorsqu'il était sorti de la bibliothèque, toute la maison était plongée dans le noir. Bien entendu, il n'avait pas pu s'empêcher de vérifier que la voiture de Laurent était partie. Ensuite, écœuré de sa propre mesquinerie, il s'était mis à ranger. Passer le réveillon de Noël attablé en face de Pascal, chez Pascal, et n'être plus rien pour elle le désespérait. Jamais il n'aurait envie de fonder une famille avec une autre femme. Or, il arrivait à un âge où la question allait devenir cruciale. Bien sûr qu'il voulait des enfants, des fillettes aux grands yeux noirs comme elle. Pendant le dîner, quand son chignon s'était défait, il avait éprouvé une irrésistible envie de toucher ses cheveux. Brillants, soyeux, parfumés, les caresser était un geste sensuel. Hélas, c'était Laurent qui avait posé la main sur la nuque de Pascal. À cet instant-là, Samuel s'était senti non seulement dépossédé, mais aussi submergé d'une jalousie viscérale. Cette femme avait été sa femme. Comment avait-il pu être assez fou pour la laisser s'en aller? Il ouvrit les placards de la cuisine au hasard, essayant de trouver où se rangeaient les assiettes, les verres. Dans cette maison, même les placards étaient pleins de charme, avec leurs portes anciennes, leur incroyable profondeur, leurs crochets de cuivre chargés d'ustensiles. Tiens, je devrais m'acheter une vraie maison. Pour y vivre seul? Non. Autant rester chez lui, en espérant que Marianne veuille bien ne plus débarquer à l'improviste. Pauvre Marianne. Il savait très bien pourquoi elle avait tant bu, et il s'en voulait de la rendre malheureuse. Mais là encore, que faire? Se montrer plus ferme et la tenir à distance? C'était facile de prendre ce genre de décision quand on ne souffrait pas. « Une vraie fée du logis !» s'exclama Adrien. « Je n'en crois pas mes yeux !» Il entra dans la cuisine en bâillant, vêtu d'un invraisemblable pyjama de flanelle parsemé d'éléphants roses. « Tu es trop mignon, je t'assure !» ironisa Samuel. « Veux-tu que Cendrillon te fasse du café ?»« Ce serait merveilleux !» Adrien s'affala sur une chaise, se passa la main dans les cheveux, s'étira. « J'avais la même idée que toi. Je voulais ranger ce foutoir avant que les filles ne s'en chargent. Merci de m'avoir devancé, tu es un frère. » Encore une expression surgit du passé, de l'époque où Sam était le beau-frère d'Adrien. « C'est amusant de prendre le petit-déjeuner ici. J'ai l'impression d'avoir rajeuni de 20 ans. » « Si je comprends bien, tu n'es plus vraiment contrarié que ta sœur ait racheté Pérol. » Sourcils froncés, Adrien parut réfléchir sérieusement à la question. « Je ne sais plus trop. La maison est pleine de bons et de mauvais souvenirs. » « Et c'est pour cette seule raison que Henri et toi étiez si violemment opposés au projet de Pascal ?»« Oh, dès qu'il s'agit d'elle, tu deviens chiant. Tu imagines qu'elle a besoin de quelqu'un pour se défendre. Elle n'en fait qu'à sa tête. Tu es bien placé pour le savoir. »« Ne m'agresse pas ou je te fais du jus de chaussette. » Adrien se mit à rire et leva les mains en signe de reddition. « Comment va ton amie ?»« Elle dort. »« À mon avis, elle n'est pas prête de se réveiller. Pense à lui monter de l'aspirine avec son café. » Je la trouve très gentille, tu sais, et aussi très séduisante. Tu devrais mieux t'en occuper, sinon elle finira par te quitter. C'est fait, nous avons rompu. Ouvrant de grands yeux, Adrien le dévisagea. « Je croyais que vous étiez amoureux et que tu pensais à te remarier ?»« Non, pas du tout. Tu vas rester vieux garçon, Sam. Et toi, si tu veux, on peut fonder un club. » Sa mauvaise humeur revenait, mais Adrien, impitoyable, se remit à rire. « Je parie que tu soupires encore après Pascal. » Soupirer n'est peut-être pas le bon mot, mais... Adrien hocha la tête d'un air apitoyé. Toutefois, il ne fit pas de commentaire. Après avoir mis deux sucres et un peu de lait dans son café, il le but en silence. « D'accord, » dit-il enfin. « Ma sœur est une sacrée bonne femme. Pourtant, personne n'est inoubliable. Crois-moi sur parole. »« Pourquoi ? Tu as de l'expérience en matière de chagrin d'amour. »« Plus que tu ne le penses. » Perplexe, Samuel le contempla quelques instants. Personne n'était plus discret qu'Adrien sur sa vie privée. Même Pascal ne savait rien de lui, alors qu'ils étaient très proches. Et elle s'en était souvent étonnée. « Ne me regarde pas comme ça, et garde tes conclusions pour toi. » lâcha Adrien d'une voix soudain tranchante. « Quelle conclusion ? Adrien avait-il un problème dont il ne voulait pas parler ? » Samuel retourna chercher la cafetière et la posa entre eux sur la table. « Tu es au courant de toutes les interrogations de Pascal au sujet de sa mère ?»« Vaguement. Papa m'en a dit deux mots avant d'aller se coucher hier soir. » « Ce qui me surprend, c'est que toi, tu sois au courant. » Elle était bouleversée. Elle m'a appelé au secours. « Bien sûr. À qui veux-tu qu'elle se confie à part toi ?» Dans quelque temps, ce sera sans doute sur l'épaule de Laurent Villeneuve qu'elle s'épanchera. Mais pour l'instant, elle compte sur toi. Normal, tu es toujours là. Son ton narquois fut insupportable à Sam, qui réagit aussitôt. « Tant mieux pour elle, parce que ton père et toi, vous n'avez pas été très présents quand elle a voulu changer de vie. On aurait cru qu'acheter Pérol était un crime de lèse-majesté. Et c'est pareil quand elle demande des précisions sur l'histoire de sa famille. Vous avez donc tant de choses à vous reprocher. « Ne parle pas de ce que tu ignores !» hurla Adrien en tapant du poing sur la table. Dressés l'un contre l'autre, ils se dévisagèrent avec fureur, jusqu'à ce que la voix de Pascal les fasse sursauter. « Vous êtes malade ou quoi ? Pourquoi vous disputez-vous comme ça ?» Samuel se tourna vers elle, et instantanément sa colère disparut. Enveloppé d'un peignoir en velours bleu ciel, ses cheveux défaits tombant sur ses épaules, bien qu'à peine réveillée, elle resplendissait. Où puisait-elle son énergie, sa sérénité ?« Oh, vous avez tout rangé !» s'exclama-t-elle gaiement. « Lui tout seul !» bougonna Adrien. Elle s'approcha de son frère, le prit par le cou et l'embrassa. « Tu m'as l'air ronchon ce matin !»« Maintenant que je sais où tout se trouve, tu veux une tasse ou un bol ?» demanda Samuel. Connaissant ses préférences, il lui avait déjà sorti une tasse et elle le remercia d'un sourire radieux. « Tu m'as évité une sacrée corvée avec cette vaisselle !» Je voulais faire la surprise à Aurore, je me suis levée exprès. Évidemment, je ne pensais pas tomber sur un meeting dans la cuisine. » Aucun des deux ne jugea utile de répondre, et Pascal but son café avant d'enchaîner. « Il a neigé cette nuit, vous avez vu ?» Samuel s'approcha de la porte-fenêtre et colla son front contre la vitre. Le jour n'était pas encore levé, mais tout semblait recouvert d'une couche blanche. « Incroyable !» Dans la bibliothèque, dont les volets étaient fermés, il ne s'était rendu compte de rien. Ils auront salé l'autoroute, mais peut-être pas la départementale de la Bastide à Marsac, et encore moins la vicinale qui part d'ici, surtout un 25 décembre. De toute façon, on voit si rarement de la neige dans la région qu'ils seront débordés, affirma Samuel. Être obligé de rester un peu à Pérol ne l'aurait pas dérangé s'il avait été seul, mais Marianne finirait par se réveiller, et il n'imaginait pas passer une journée ici avec elle. « Je peux conduire là-dessus, » dit-il à regret. « Non, pas question, » protesta Pascal. « Vous n'avez qu'à déjeuner avec nous, on mangera les restes, et tout aura fondu cet après-midi. Je sais que tu es un merveilleux pilote, Sam. Néanmoins, je ne veux pas que tu prennes de risques. Rien ne te presse ?» La fatigue de la nuit ne se faisait pas encore sentir, et il n'avait pas vraiment envie de partir. Surtout lorsqu'il entendit Adrien déclarer « Bon, je file m'habiller, ça sent le concours de boules de neige !» Sam attendit qu'il soit sorti, puis il resservit du café. « C'était quoi le sujet de votre querelle ?» s'enquit Pascal. Les cadavres cachés de la famille Fontanelle. Tu avais raison. Ton frère devient très chatouilleux dès qu'on parle du passé. Papa aussi. Susceptible et triste. Hier, il a voulu me faire croire que Julia était décédée. C'est la version qu'il a racontée à tout le monde à l'époque. Sans doute avait-il peur qu'on juge sa femme. On éprouve forcément de la compassion pour une mère qui a perdu son enfant. Mais on regarde d'un mauvais œil celle qu'il a abandonnée. Aujourd'hui encore, il n'admettrait pas que tu condamnes ta mère, comprends-le. Pourquoi le défends-tu toujours ? S'étonna-t-elle. Parce que c'est un type bien. Du moins, je le crois. Même si je continue à me demander pourquoi il t'a vendu Pérole, au lieu de te le donner. Pascal hocha la tête songeuse. Sam la connaissait suffisamment pour savoir qu'elle allait tout faire pour rencontrer sa demi-sœur, que Henri soit d'accord ou pas. Dans quel état ressortirait-elle d'un face-à-face avec cette femme de 40 ans, handicapée depuis sa naissance ? Et de quelle manière imaginait-elle réparer l'injustice subie par la malheureuse ? « Je vais m'habiller aussi. J'ai froid », décida-t-elle.